Une vie remplie de l'Esprit est une vie qui reflète le caractère et la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Bonjour, les ministères En Contact, en collaboration avec Radio Espoir, vous présentent l'enseignement biblique de Charles Stanley. Sur les tables de cuisine trônent bien souvent des paniers de fruits remplis d'oranges, de pommes, de grappes de raisin ou d'autres délicieux fruits. Vous êtes-vous déjà demandé comment ils s'y sont retrouvés? Avez-vous déjà pensé que, bien avant les étapes de la récolte et du transport, les fruiticulteurs ont travaillé d'arrache-pied pour que les oranges, les pommes ou la vigne viennent à maturité et arborent leurs succulents fruits? Quel rapport cela a-t-il avec la vie chrétienne? À l'instar de ces vignes, de ces orangeraies ou de ces pommeraies, notre vie devrait être riche et abondante. Si vous ignorez comment parvenir à produire du fruit, restez des nôtres, Charles Stanley vous expliquera comment mener une vie de plénitude spirituelle. Si vous avez fait personnellement confiance à Jésus-Christ comme votre Sauveur, le Saint-Esprit est venu habiter en vous pour vous donner la vie. Peut-être pensez-vous, « Mais j'étais vivant avant cela. » C'est vrai, en un sens. Mais cette nouvelle vie, inaugurée par la venue du Saint-Esprit, n'est pas votre vie, mais la vie de Jésus-Christ. La principale responsabilité du Saint-Esprit est de vivre à travers nous, c'est-à-dire d'exprimer en nous la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible affirme que l'Esprit ne se glorifie jamais lui-même et il ne parle jamais de lui-même. Mais il incombe au Saint-Esprit de vivre en nous la vie de Jésus-Christ. Et si on vous demande ce qu'est qu'un chrétien rempli de l'Esprit, ou en quoi consiste cette expérience d'échange de vie, ou en quoi consiste cette expérience de vie qui demeure en Christ, répondez ceci. Un chrétien rempli de l'Esprit est un individu en qui le Saint-Esprit demeure et par qui il exprime la vie, l'œuvre et le caractère de Dieu. Voilà en quoi consiste le fruit et l'œuvre de l'Esprit. La question n'est donc pas de savoir ce que nous faisons, mais ce que Dieu fait en nous. Cela revient-il à dire que la vie chrétienne est une vie passive? Laisse-t-on agir simplement Dieu? Non, nous entendons parfois ce genre d'insinuation. Vous, les chrétiens, qui croyez, vous n'êtes qu'une bande de demeurés. Vous n'avez qu'à vous laisser remplir du Saint-Esprit. Vous ne faites rien d'autre que de rester assis pour vous laisser habiter par lui. Il est vrai que nous devons demeurer en Christ, mais j'aimerais vous poser une question. Jésus restait-il toujours assis? Bien sûr que non. Voilà où se situe la différence. Jésus-Christ ne travaillait pas grâce à une énergie humaine. Jésus-Christ était branché sur un courant d'énergie divine. Il exprimait d'une manière absolue et parfaite ce que doit être une vie remplie de l'Esprit. Il ne s'en est d'ailleurs jamais caché. Prenez par exemple l'Évangile selon Jean chapitre 5, verset 30, où il affirme qu'il ne peut rien faire sans le Père. Jésus tirait toute la sagesse et toute la connaissance qu'il partageait avec les humains de son Père. Et toute sa force provenait de l'Esprit de Dieu. Il est écrit dans la Bible que, lorsque Jésus est revenu du désert, il avait reçu l'onction et il était rempli de l'Esprit de Dieu. Cette onction lui permettait de prêcher l'Évangile. Son service était donc entièrement l'expression de l'Esprit de Dieu. Et plus tard, lorsque Jésus a dit à ses disciples qu'il ne les laisserait pas sans un consolateur, il a ajouté dans Jean chapitre 16, verset 7, « Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Le consolateur habite en nous, avec nous et accomplit l'œuvre de Jésus-Christ en nous. Or, si vous êtes un de ces croyants qui pensent « C'est curieux, je me suis déjà demandé ce qui clochait dans ma vie. Je me laisse parfois décourager, car je ne semble pas en mesure de vivre tout à fait chrétiennement. Je perds parfois la maîtrise de mes émotions, je dis des choses que je ne devrais pas dire. Je ne suis pas toujours parfaitement et absolument honnête. Je ne traite pas toujours les gens comme je le devrais. Je ne lis pas ma Bible trop souvent. Je saute parfois mes temps de prière. Je ne vais pas à l'église aussi souvent que je le devrais. » Je ne suis pas particulièrement intéressé à gagner des âmes pour Jésus-Christ, ni à lui présenter qui que ce soit. Je ne participe pas financièrement aux missions d'évangélisation, et souvent, ma vie est une suite de grands désastres. Pourtant, j'ai fait confiance à Jésus comme mon Sauveur. Je sais qu'il est près de moi, et je crie à lui en cas de besoin. Cependant, Seigneur, je sens que quelque chose ne va pas dans ma vie. Et je dois vous dire que quelque chose n'allait pas dans ma vie, et quelque chose ne va pas dans la vie de nombreux croyants. Et nous ne pouvons rien y faire par nos propres efforts. La raison pour laquelle je vous dis tout cela est la suivante. Si vous traversez un de ces temps difficiles, insatisfaisants et stériles de vie chrétienne, si vous pensez que vous n'avez aucune importance aux yeux de Dieu, ni aux yeux de personne d'autre, et que vous avez tout gâché des milliers de fois, consolez-vous, car vous n'avez plus à demeurer dans cet état. Vous n'êtes plus obligé de vivre dans ces conditions. On peut le voir dans le passage où il est mentionné que le secret de l'ensemble de la vie chrétienne se situe au niveau de la relation du croyant avec Dieu. Nous pouvons nous reposer en lui et demeurer dans un état de dépendance envers lui, dépendance qui concerne toutes les choses de notre vie. La vie remplie de l'esprit pourrait être définie premièrement comme étant une vie d'absolue dépendance au Saint-Esprit et sous son contrôle total. Si elle est remplie de l'esprit, cela signifie qu'il la contrôle. Si Jésus-Christ est dans ma vie et que je tire toute chose de lui, il en est le responsable. Vous voyez, notre principal problème, et je parle du problème de chaque croyant, revient toujours à la même chose. Il est parfois complété par l'ignorance, mais la plupart du temps, il reste le même. Nous refusons de nous soumettre totalement, complètement et absolument. Quelqu'un n'a-t-il jamais éprouvé ce problème? Nous voulons garder quelque chose pour nous. Or, la seule façon de demeurer en Jésus-Christ est de lui faire confiance, de vivre en lui et de se reposer en lui. Dieu nous fait comprendre que la vie du CEP sera notre vie et qu'il nous donnera tout ce dont nous avons besoin. Qu'il fasse soleil ou qu'il pleuve, la sève se répand dans le sarment et produit du fruit. Cela signifie que le fruit de la vie chrétienne, c'est-à-dire le caractère de Christ et les œuvres sanctifiées, ne sont pas sous notre responsabilité. Cependant, notre responsabilité personnelle est double. Nous devons nous reposer en Dieu et lui faire confiance. Il fera en nous, par nous et pour nous, ce qu'il est le seul à pouvoir faire. Personne d'autre ne peut le faire. Il devient donc nécessaire de conclure que toute cette idée de demeurer en Jésus se fonde sur un concept de relation. Deuxièmement, le but d'une vie remplie du Saint-Esprit est de produire plus de fruits. Quelle est la raison d'être d'une vigne? Une vigne n'est pas là pour être belle. Si vous recherchez la beauté, votre investissement serait mieux placé dans un rosier ou dans une autre plante agréable à regarder, mais pas dans une vigne. Pourquoi décide-t-on de faire pousser une vigne? Pour produire des grosses grappes de raisins. De la même manière, Dieu veut produire en nous de beaux fruits. C'est pourquoi, si un sarment ne produit pas de fruits, on le coupe. Dieu fait la même chose avec nous. En revanche, si un autre sarment produit du fruit, Dieu l'émonde afin qu'il produise plus de fruits. Le but de la vigne est de produire toujours plus de fruits. Lisons les paroles de Jésus dans l'Évangile selon Jean chapitre 15, verset 5. « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. » Et plus loin, au verset 8, « Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. » Le but de la vigne, c'est de produire du fruit, beaucoup de fruits. Revenons maintenant au verset 2. « Tout serment qui est en moi, et si vous êtes sauvés, vous êtes en lui, et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. » Lorsque vous tâchiez de faire de votre mieux dans votre vie chrétienne, et peut-être même quand vous ne faisiez pas de votre mieux, Peut-être vous est-il arrivé d'avoir l'impression d'entendre Dieu aiguiser ses ciseaux? Vous sentiez peut-être que quelque chose se préparait. N'avez-vous jamais aperçu les nuages qui annoncent l'orage s'accumuler au-dessus de votre tête? Bien sûr, vous n'aimiez pas cela, mais que pouviez-vous y faire? Je crois que personne n'aime entendre le son de cette meule d'affûtage. Toutefois, j'aimerais vous rappeler deux choses sur le sujet. Avant de vous émonter, Dieu trempe son instrument dans son amour. Quand il nous émonde par amour. C'est sa seule raison. Et Dieu impose une limite à son travail d'émondage. Il n'a jamais coupé personne trop profondément. Connaissez-vous la raison derrière l'émondage? Si vous laissez un arbre ou une plante pousser comme bon lui semble, sans aucun émondage, vous verrez émerger des petites pousses ou des petits bourgeons. Et en peu de temps, la qualité du fruit diminuera, car la sève se répandra dans les lieux inutiles. Et vous n'aurez plus rien qui vaille la peine d'être cueilli et mangé. Le processus d'émondage est donc une partie essentielle de la production de bons fruits. Je vous propose cette matière à réflexion. Quelles sont vos meilleures qualités? Pouvez-vous me dire maintenant comment vous les avez acquises? Qu'est-ce qui produit en nous les caractéristiques qui nous font le plus ressembler à notre Seigneur? Elles ne naissent pas de la facilité, du confort, du plaisir et de l'abondance, mais bien de la difficulté, de l'épreuve, de la privation et de l'adversité en tout genre. Voilà ce qui nous pousse vers la parole de Dieu et nous oblige à nous agenouiller devant Lui. Voilà comment Dieu nous émonde. Il nous discipline. Il nous corrige. Il permet que les épreuves, qui n'ont rien à voir avec le péché, fassent irruption dans nos vies. Il permet ces situations et ces circonstances qui n'ont aucun rapport avec un péché que nous aurions commis. Et comment réagissons-nous? Seigneur, pourquoi me fais-tu cela? Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? C'est notre première réaction. Nous cherchons donc les raisons en étudiant notre passé. Et parfois, cela n'a rien à voir avec notre passé, mais plutôt avec notre avenir. Dieu nous forme pour que l'on ressemble à son Fils Jésus-Christ. Je ne dis pas qu'il permet toujours des adversités dans notre vie pour cette raison, mais quelquefois, il le fait. Il est parfaitement conscient de ces temps où nous manquons de gentillesse, de patience, de maîtrise de soi, de bonté. Il remarque ces occasions où nous n'agissons pas par amour et que nous n'avons ni joie ni paix en nous. Ces occasions où nous nous blâmons ou lorsque nous critiquons les autres. Il connaît ces moments où nous sommes tout simplement mécontents de lui. Bref, et que fait-il alors? Il nous émonde. Et parfois, il nous force même à vivre des expériences qui s'avéreront nécessaires pour nous ramener à lui, ces temps pendant lesquels nous nous repentirons de nos péchés et qui nous permettront de changer d'attitude. Ainsi, la qualité de notre fruit augmentera. Il sera plus attrayant, plus succulent, plus savoureux et plus attirant. Le moyen privilégié par Dieu pour se glorifier n'est pas un bâtiment de culte somptueux, mais la vie des croyants sanctifiés. Nous sommes les seuls à pouvoir refléter le caractère de Dieu. C'est la raison d'être de notre fruit. Si nous demeurons en lui, et s'il demeure en nous, nous produirons du fruit, beaucoup de fruits. Car le fait de produire beaucoup de fruits glorifie le Père. Et de quel fruit parlons-nous? Regardez Galates, chapitre 5, verset 22. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Avec ce fruit, les gens discerneront chez nous le caractère de Dieu et sentiront l'odeur de Christ en nous. La responsabilité du Saint-Esprit est donc de nous aider à exprimer la vie de Christ. Seuls, nous sommes démunis. Nous pourrions toujours essayer d'être gentils, patients, attentionnés. Nous pourrions toujours essayer d'avoir la paix, mais tout cela est en vain. Seul Dieu peut nous accorder les fruits de l'Esprit si nous lui faisons confiance, si nous nous appuyons sur lui, si nous sommes dépendants de lui et que nous reconnaissons que nous sommes incapables de faire quoi que ce soit sans lui. Admettre cela n'est pas honteux, au contraire, vous entendez Dieu vous répondre « Il était temps, je sais que tu n'es pas capable de faire quoi que ce soit sans moi. Or, moi je peux tout et j'ai déjà pris les dispositions pour répondre à ton besoin. » Relisons maintenant l'Évangile selon Jean chapitre 15, les versets 4 et 5. « Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. » Comme je souhaiterais qu'on m'ait expliqué le sens de ces paroles le jour de ma conversion. J'aurais été tellement reconnaissant. Je n'aurais pas passé toutes ces années à essayer d'être une personne que je n'étais pas, que je ne pouvais pas devenir, à faire des choses que Dieu ne m'avait jamais demandées et à essayer de produire moi-même du fruit que je ne pouvais pas produire. Ma chair est en tout point semblable à la vôtre. Elle est aussi réelle aujourd'hui que jamais auparavant. Et aucun verset dans la Bible n'affirme que je parviendrai à l'améliorer. En d'autres mots, la Bible n'affirme nulle part que nous pouvons nous améliorer, et encore nous améliorer avec l'âge ou grâce aux connaissances. Le vieil homme, le vieux Charles Stanley, et le vieux vous, chers auditeurs, est encore les mêmes qu'au début de sa vie chrétienne. Il est peut-être même encore pire qu'avant. Cependant, il y a quelqu'un d'autre en moi et en vous qui est aussi le même que le jour de notre conversion. Il ne changera jamais, même si nous vivons jusqu'à 100 ans. C'est Jésus. Or, rien ne changera dans ce vieux moi et dans ce vieux vous. Par contre, si nous apprenons à permettre au Christ qui vit à l'intérieur de nous de s'exprimer par son Saint-Esprit, nous glorifierons Dieu et nous produirons son fruit. Le croyant dont la vie est remplie de l'Esprit reflète le caractère et la vie de Jésus-Christ. Nos œuvres, la manière dont nous traitons les autres et notre façon de considérer les choses sont donc toutes produites par la surabondance de la vie de Christ en nous. Voilà en quoi consiste une vie remplie de l'Esprit, une vie passée sous le contrôle et la domination du Saint-Esprit. Mais quel prix devons-nous payer pour obtenir cette vie? Nous devons remettre entre les mains de Dieu nos inquiétudes, nos soucis, nos tensions et nos efforts. Et à chaque fois que nous nous sentons tendus, Dieu nous demande de nous tourner vers lui dans la prière, de tout lui dire et de tout lui confesser. Il nous exhorte à réaffirmer qui nous sommes en lui et qui il est en nous. Et si vous me dites que tout cela est trop facile, je vous répondrai par une question. Pourquoi Dieu rendrait-il cela difficile? Pourquoi Dieu voudrait-il rendre la vie chrétienne difficile? Existe-t-il un verset des Écritures qui nous donne à penser que la vie en Jésus-Christ est difficile ou compliquée? Quand nous demandons à Jésus-Christ comment nous pouvons vivre selon la volonté de Dieu, que fait-il? Il nous montre la vigne. Il nous explique que les sarments ne font pas grand-chose. Ils sont seulement attachés au cep. Et si nous observons une grappe de raisin, nous savons que le sarment ne l'a pas produite. Chaque croyant dispose en lui de la puissance illimitée du Saint-Esprit. Nous sommes donc tous équipés de toute la puissance spirituelle dont nous avons besoin pour vivre et pour accomplir la volonté de Dieu. Que vous soyez mère au foyer, homme d'affaires ou évangéliste, peu importe. Vous disposez de toute la force, de toute l'énergie, de toute la puissance et de tout ce dont vous avez besoin pour accomplir l'appel de Dieu pour votre vie. Vous n'avez rien à faire pour acquérir quoi que ce soit, car tout est déjà en vous. Vous n'avez qu'à permettre à Dieu d'exprimer sa vie en vous. Nous connaissons tous des chrétiens légalistes dans leur foi. ils sont reconnaissables à l'ensemble de lois et de règles qu'ils brandissent sans arrêt. Ils font toutes sortes de choses pour mériter la faveur de Dieu. Or, premièrement, ce n'est pas biblique. Du moins, pas du point de vue du Nouveau Testament. Et deuxièmement, cela ne fonctionne pas. Pourquoi? Le vieil homme charnel, cette partie de chaque être humain qui est éloignée de Dieu, ne peut en aucun cas plaire à Dieu. Toutefois, Dieu nous enseigne comment lui plaire, en lui faisant confiance et en nous appuyant sur lui. Nous tirerons ainsi de lui ce dont nous avons besoin. Il est écrit dans Colossiens chapitre 2, les versets 6 et 7. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enracinés et fondés en lui et affermis par la foi d'après les instructions qui vous ont été données et abondés en actions de grâce. Et nous pouvons compléter avec le verset 10. Vous avez tout pleinement en lui. Nous avons tout pleinement en lui le pouvoir d'obéir, d'accomplir et de réussir. Peu importe. Que vous ayez 16 ou 96 ans, votre chair ne changera pas, mais votre esprit non plus. Ce qui change, c'est votre volonté à vous soumettre complètement, de tout cœur et sans poser de questions au Saint-Esprit qui habite en vous, et de lui permettre d'exprimer sa vie en vous. Remettre à l'Esprit de Dieu le contrôle de votre vie dès maintenant, pour qu'il puisse exprimer par vous le caractère de Dieu, est une décision que vous prenez. Peu importe votre position sociale et peu importe si vous êtes au travail, à la maison ou à l'église, qui que vous soyez, Dieu s'intéresse à vous. Voulez-vous me dire que je peux m'attendre à ce que le Saint-Esprit m'aide quand je travaille sur ma ligne d'assemblage? Exactement. Et si vous êtes à la maison, que vous vous occupez de vos enfants et que vous faites du ménage, le Saint-Esprit est également avec vous. Et si vous vous demandez quel rapport cela peut avoir avec le Saint-Esprit, sachez que Dieu a dit à tous les croyants de demeurer en lui, pas seulement à quelques-uns. Relisons Jean chapitre 15, verset 7. « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » N'est-ce pas là une magnifique promesse? Car si je me tourne vers Dieu, et si je dépends de lui pour tout, je lui demanderai immanquablement la bonne chose. Et alors Dieu répondra à ma requête. Avec le temps, nous aurons alors le courage de faire face à toute difficulté au cours de notre vie chrétienne. Nous aurons aussi la force d'accomplir toutes les tâches qui nous incombent pour la gloire de Dieu. Oui, avec l'expérience, nous avons l'assurance de sa fidélité. Nous savons qu'il répond à nos besoins. Pendant de nombreuses années, mes efforts n'ont rien donné, car ils n'étaient pas agréés par Dieu. Ne sous-estimez jamais ce que Dieu peut faire dans votre vie si vous cessez de vouloir accomplir votre volonté pour lui laisser accomplir la sienne. J'aimerais vous prévenir, même si vous faites confiance à Dieu et que vous voulez accomplir sa volonté, vous pourriez quand même échouer. Or, peu importe si vous avez la conviction d'avoir obéi à la volonté de Dieu, car parfois l'échec est la meilleure chose qui puisse vous arriver. L'échec garde votre esprit humble et il vous dirige plus profondément dans les voies de Dieu. Ne croyez pas que si vous marchez dans l'esprit, tout fonctionnera toujours comme vous l'aurez prévu. Or, quel choix avez-vous? Dépendre de vous-même? N'en avez-vous pas assez de cette vieille vie? N'avez-vous pas échoué assez misérablement pour abandonner ce genre de vie? Au nom de Jésus, je vous en supplie, prenez ces paroles en considération, car si vous ne le faites pas, vous passerez votre temps dans des difficultés et des épreuves que vous auriez pu éviter. Rappelez-vous donc de vous reposer en Dieu, de dépendre de lui et de tirer de lui tout ce dont vous avez besoin. Voyons maintenant comment vous pouvez mettre ces principes en pratique dans la vie de tous les jours. Lorsque vous irez travailler demain et qu'une situation imprévue se présentera, vous n'aurez qu'à dire « Je te remercie, Seigneur, pour ta vie, cette vie que j'ai en moi. Tu as promis que tu répondrais et je suis sûr que tu prendras soin de cette situation. Vous serez surpris des résultats obtenus, de vos réactions et de votre langage. Vous vous demanderez, mais d'où cela vient-il? Vous serez étonné de votre réaction à l'épreuve, à la difficulté et aux critiques. Vous serez émerveillé par la paix qui sera la vôtre, même quand les gens vous blesseront, vous persécuteront et vous mettront à l'épreuve. Vous serez renversé par le repos que vous pourrez ressentir, malgré les luttes ou le monde qui s'écroulera tout autour de vous. Pourquoi continueriez-vous à vous battre, à vous stresser et à vous angoisser à propos de situations que vous ne pouvez pas changer? Vous n'arriverez pas à les changer. Alors, pourquoi ne pas abandonner? Car Dieu transformera vos défaites en victoires si vous remettez votre vie entre ses mains en lui disant « Seigneur, je ne me détourne pas seulement de mes péchés, mais aussi de mes tentatives personnelles pour régler des situations que tu es le seul à pouvoir régler. Je te fais confiance maintenant. » Si vous êtes chrétien, vous avez déjà tout ce qu'il vous faut pour accomplir toute la volonté de Dieu pour votre vie. Mais rappelez-vous la mise en garde de Charles Stanley. Vous ne pouvez pas faire la volonté de Dieu de vous-même. Le Saint-Esprit qui habite en vous vous équipe pour accomplir toute tâche que vous lui permettrez d'accomplir. Pour vraiment porter du fruit, nous devons nous en remettre à Jésus-Christ. Tout ce que nous faisons de nos propres forces aura peu de résultats durables. Il est écrit dans Jean 15, 5 à 9, « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. » Puis on le ramasse, on le jette au feu et il brûle. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Cherchez-vous à mieux connaître Jésus-Christ, qui offre encore aujourd'hui son amour éternel à ceux qui viennent à lui? Les enseignements du Dr Stanley ont-ils suscité en vous des questions, mais vous ne savez pas où trouver des réponses? Radio Espoir est à votre écoute. Vous pouvez nous rejoindre en téléphonant au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647, ou venez sur notre site Internet www.espoir.ca. Touchant le monde avec notre passion pour Dieu et notre compassion pour les gens, l'enseignement de Charles Stanley est une présentation de Ministère en Contact et une production de Radio Espoir.